Chapitre 16. Commencement de la grand-messe. J'aurais bien voulu interroger Meto, mais elle était partie, fourrant ses deux mains dans ses sabots pour mieux flopper sur le tendre bijou. C'est dimanche, et c'est l'amour. Elle avait dit « La dame est déjà levée, la dame au billet, mon aventure avait donc couché sous le même toit que moi ?» Monsieur Chupier-Mounier, qui avait l'honneur d'être le premier fripier ou guenillou de la ville de Vitré, demeurait dans une manière de cave, où les guenilles, en effet, ne manquaient pas, mais qui contenait aussi quelques effets d'assez bonne tournure. Le pays de Vitré est très abondant en robereaux qui poussent la passion des jeux de hasard jusqu'à la rage. Partout où l'on joue, les usuriers et revendeurs font leurs affaires. « Je ne vends jamais le dimanche, » me dit Monsieur Chupier. « Si vous avez besoin, il faudra payer plus cher. »« Ça, ça se doit, » remarqua Joson qui était un casuiste. « Je voudrais d'abord, » répondis-je, « habiller ce brave garçon-là. »« Qui ça, moi ?» s'écria Joson en faisant un saut de côté. « Ah, dame, je ne veux point, je suis né dans mes hardes, j'y resterai. » La boutique était éclairée par une chandelle, à cause de la fermeture des volets. Monsieur Chupier prit le flambeau et l'approcha tout contre le visage de Joson Menou pour le considérer mieux. Joson ferma les poings. Mais Monsieur Chupier lui dit avec bonté, « Mon fils, j'ai un pouillement qui vous ira comme le beurre sur le pain. Tenez, voici les bottes. » Il éclaira une monstrueuse paire d'écuyères qui devait chausser un homme de taille moyenne jusqu'au ventre. J'avoue que la pensée d'avoir un page ainsi beauté me flatta. Joson lui-même fut visiblement émerveillé. « Pour vrai ?» dit-il, « c'est de belles pièces. Est-ce qu'on peut marcher d'avec ?»« À cheval, oui, » répondit Monsieur Chupier. Pour avoir les bottes, Joson accepta un compromis. Il se laissa mettre un habit de livrée par-dessus son costume bas breton, auquel il tenait comme à sa peau. Moi, j'achetais des chausses presque neuves, un chapeau à petits plumailles, un jabot et des manchettes de dentelle. Et maintenant, dis-je, il me faudrait un bon cheval. C'est dimanche, objecta Monsieur Chupier. Je paierai ce qu'il faudra. « Comme de juste, et je mets le péché sur votre conscience, jeune homme. » Il me vendit son propre cheval avec la selle et la bride, disant qu'il ne voulait induire à mal ni le maquignon ni le bourrelier. J'eus ainsi pour une quarantaine de louis, ce qui valait bien 30 pistoles. Et je me dirigeais vers l'église au moment où toutes les cloches de la ville, formant une délirante cacophonie, sonnaient la grand-messe à double volée. Joson me suivait dans ses bottes. Nous produisions de l'effet, surtout mon page, dont les éperons avaient 6 pouces de long. Il faisait les gros yeux aux femmes qui le regardaient de trop près et ne se gênait point pour leur dire à haute et intelligible voix « Eh, que me voulez-vous, quête des défrontés ?» Dans la grande et belle église, la foule des fidèles était rassemblée déjà, savoir les gentilshommes et les dames, dans les tribunes et au premier banc fermé, surélevés de 2 marches. Les bourgeois titrés par charte royale, ils sont 40 bourgeois de Vitré, et leurs familles, au banc du second rang, élevés d'une marche et fermés également. Aux bancs ouverts, la menue bourgeoisie, les femmes de peu sur les tréteaux, les hommes debout ou accroupis au bas de la nef. Les 2 premières figures que je vis en entrant furent celles de Monsieur le Vicomte de Saint-Pierre et de sa femme. Le Vicomte, qui avait justement ses doigts dans le bénitier, me salua d'un air de connaissance et m'offrit de l'eau bénite avec tout plein de courtoisie. La Vicomtesse Catiche, au contraire, me rendit mon salut cérémonieusement. Mais son sourire espiègle était tout au fond de ses yeux et je ne cherchais déjà plus l'auteur du billet. Bien entendu, elle n'avait plus son costume d'Amazone. À Guidel, nous ne sommes pas des juges très compétents en fait de toilette. Mais la jeunesse a un instinct dès qu'il s'agit d'élégance et de beauté. À 20 ans, on devine une Parisienne, même quand on n'a jamais vu que les fées de Basse-Bretagne. La toilette de la vicomtesse me sembla exquise. Je m'étais avancée seule dans la nef. Joson restait avec ses bottes aux environs de la porte. L'apôtre Saint-Pierre m'offrit galamment une place dans son banc. J'allais décliner cet honneur quand un regard de Catiche m'ordonna d'accepter. Le banc de monsieur et madame de Saint-Pierre n'était point placé parmi ceux de la noblesse. C'était le premier du second rang à droite. Il portait cette inscription en lettres de cuivre: Hédou, Cheyet, Saint-Pierre, titré de roi, en cinquième du règne de Sa Majesté Louis XIII, confirmé bourgeois de Vitré, 5, 6, 7, A, D, 1688. Tous les autres bancs du second degré avaient des inscriptions analogues. Personne n'ignore en France que cette institution des bourgeois de Vitré date de Louis XII, second mari de notre duchesse Anne. La coquine, pour parler comme mon oncle Le Bihan, se fournissait de bas de laine chez maître Loupier Chougnet, échevin des tricotiers jurés. Ce galant homme ayant inventé un point surmaillé qui serrait le bas de la chausse au-dessus du genou, madame la reine fut si contente qu'elle récompensa en bloc tous les chaussetiers de Vitré. Il y a 39 bourgeois de Vitré. Le roi de France est le 40e. Le dauphin succède de plein droit. Quand un titre vient à extinction, le roi nomme par patente du sceau. En 1688, la chambre de vérification au Parlement de Rennes jugea contre les bourgeois de Vitré qui voulaient introduire leurs preuves dans l'armorial de Bretagne. Mais la même haute juridiction confirma leur titre, qui est « Vénérable et prudente personne ». Monsieur Dozier constate qu'ils ne sont pas grevés de la taille et qu'ils ont droit de tiers d'image. Pour privilège, ils marchent en toute procession après les chevaliers, pêle-mêle avec les écuyers de lignée ou de création. Le roi leur écrit « Mon amé est discret ». Ils portent l'épée, quoiqu'il paraisse que l'aiguille à tricoter serait de meilleure mise, et attendent le salut de messieurs du présidial. J'espère que le lecteur me saura bon gré d'avoir rassemblé ici des détails aussi utiles qu'authentiques. Naturellement, le vicomte me fit entrer le premier dans le banc, comme la politesse le voulait. Puis vint madame la vicomtesse, de sorte que je me trouvais placée auprès d'elle. De l'autre côté de moi se trouvait un gros bonhomme, coiffé d'un abat-jour vert et qui chantait comme un tonnerre. Son banc était marqué ainsi: Hédou, Hédou de Pélédou, titré de roi, etc. 8-9 AD 1688. Il m'était impossible de voir ce qu'il y avait au-delà du bonhomme. Certes, il y avait quelqu'un, car la vicomtesse, un instant après notre arrivée, s'était penchée pour saluer en souriant. Quand elle se releva, elle prit un livre d'heures dans le pupitre du banc et me l'offrit en disant « Le pays n'est pas bon pour vous. Il y a eu un homme de tué hier dans la Sente. Deux autres sont blessés. Défiez-vous de monsieur de Saint-Pierre. » Puis, faisant mine de changer contre un autre le livre de prière qu'elle m'avait proposé d'abord, elle ajouta rapidement « Regardez à votre droite. Ces gros hommes sont transparents quand on y met de la patience et de l'adresse. » Tâchez de voir au travers, votre fortune est à deux pas de vous.